De Tripoli au monastère de Kanoubine. Nous arrivâmes à Djebail pendant la plus grande chaleur du jour. Cette ville est d'origine phénicienne et portait le nom de Byblis, que les Grecs changèrent en celui de Byblos. Les Arabes lui ont donné son nom actuel à cause de son élévation sur une colline. C'est sur la pente de cette colline exposée au midi que croît le tabac de Djebail dont j'ai parlé précédemment, et l'un des plus estimés de la Syrie. Les habitants de Byblos étaient très renommés dans l'Antiquité comme marins, et c'était de leur port que partaient les bois destinés à la construction du temple de Salomon. Byblos tomba tour à tour sous le joug d'Alexandre le Grand, des empereurs grecs, des Sarrasins, des Génois croisés et enfin des Turcs lors de la conquête de la Syrie par Selim Ier. Aujourd'hui, Djebail est comprise dans le palatchik de Tripoli. Quelques ruines insignifiantes sortent çà et là de terre pour témoigner de son antiquité. En sortant de Djebail, on entre dans le Liban. Les montagnes s'élèvent plus escarpées et plus abruptes. Quelques villages maronites, jetés comme des nids d'oiseaux dans des vallons ombreux, en coupent agréablement la monotonie. Nous ne tardâmes pas à arriver dans une vallée délicieuse où serpente la rivière de Tripoli, le Nahr el-Kadisha. En remontant le cours de la rivière, la vue est frappée de nombreuses grottes naturelles enfouies dans un bois de cyprès, de platanes et de chênes verts. Ces grottes servirent sans doute de retraite à des solitaires, car on voit que souvent dans leur construction la main de l'homme a aidé la nature. Au reste, j'avoue que je comprenais parfaitement, en admirant ce site pittoresque, l'amour des bons anachorètes pour leur jolie thébaïde. Nous passâmes et repassâmes plusieurs fois ainsi le Nahr el-Kadisha sur de petits ponts de pierre à moitié ruinés, toujours parmi des bocages fleuris ou dans les allées couvertes, dont le feuillage est en quelques endroits tellement pressé que le soleil ne peut y pénétrer. Il nous fallut pourtant reprendre la montagne et ses sentiers escarpés pour arriver à Kanoubine où nous devions nous arrêter. Le chemin devint bientôt tellement perpendiculaire que nous fûmes obligés plusieurs fois, pour ne pas glisser à terre, de saisir les crins de nos mulets. C'est au milieu de cette nature bouleversée qu'on apprécie ces utiles animaux. Il est merveilleux en effet de les voir poser avec fermeté leurs larges sabots sur les rochers les plus glissants, s'arrêtant à chaque obstacle et ne levant jamais un pied que lorsque l'équilibre est complet sur les trois autres. Le pays que nous traversions est d'un aspect étrange et saisissant. Tant qu'on gravit les flancs de la montagne, l'œil effaré ose à peine mesurer ces énormes blocs de calcaire qui semblent suspendus sur vos têtes, tandis qu'à vos pieds, l'abîme est là, ouvrant sa bouche immense. Mais au moindre plateau se révèle toute la vigoureuse fertilité de cette terre. Des bouquets d'arbres s'élancent droits et forts du sein de quelque oasis inattendue. Des mousses, des caroubiers à végétation fantastique, des chênes rabougris à feuilles teintées d'un vert sombre, des aloès aux branches épineuses sortant des pierres comme des géants armés pour vous couper la route. Et l'eau, tombant en gouttes scintillantes, des blocs de granit verdis par les lichens, tels apparaissent à peu près tous ces petits asiles de verdure. Après 2 heures d'une ascension pénible et fatigante, nous arrivâmes au monastère. Kanoubine est, comme on sait, la demeure habituelle du patriarche et le siège de la religion maronite. Son nom vient du mot grec latinisé « kenobium » qui veut dire « le monastère par excellence ». C'est un bâtiment assez irrégulier, qui n'est à proprement parler ni un couvent, ni une mosquée. Taillé en partie dans le rocher sur lequel il est bâti, il n'a de pittoresque que son emplacement. L'église, dédiée à la Vierge sous le titre de Sainte-Marie de Kanoubine, est toute petite et manque complètement de caractère et de goût. Le reste consiste en cellules pour les religieux et en salle commune, y compris l'appartement du patriarche. Les terres qui environnent le monastère et qui paraissent assez bien cultivées appartiennent à la communauté. La règle de l'ordre est celle de Saint Basile, qui est pour les orientaux ce que Saint Benoît est pour les occidentaux. Seulement, ils y ont fait quelques modifications relatives à leur position. La cour de Rome les a sanctionnés. Ils ont chaque jour 7 heures de prière à l'église et personne n'en est dispensé. Ils se lèvent à 4 heures du matin, se couchent à 9 heures du soir et font perpétuellement maigre. On voit que leur condition est bien plus dure que celle des moines d'Europe. Le costume de ces religieux est d'une grande simplicité. Il consiste en une méchante robe de coton qui leur sert de chemise, et une robe de dessus en bure brune, si épaisse, qu'elle pourrait se tenir debout sans faire un pli. Ils portent les cheveux assez longs, contre l'usage du pays, la tête est recouverte d'un petit capuchon à laine noire et les pieds nus chaussés de babouches noires. Nous mourions de faim. Aussi fîmes-nous une assez triste mine, M. Wood et moi, lorsqu'un brave religieux nous apporta d'un air satisfait un plat d'œufs, des olives en saumure et quelques grappes de raisin. L'estomac britannique et protestant de mon compagnon se révoltait surtout à l'aspect de ce mince festin. Heureusement, le pain était fort bon et nous l'arrosâmes fréquemment d'un excellent vin, produit des vignes du couvent, ce qui nous réconcilia avec notre maigre dîner. Après le repas, les religieux étant venus nous tenir compagnie, j'en profitai pour les questionner sur les curiosités qui environnent le monastère. Elles se réduisent à quelques grottes creusées par la nature dans les rochers et qui ont été peuplées par des solitaires, comme celle de la vallée du Nahr el-Kadisha. La plus intéressante est aussi la plus rapprochée. C'est la grotte de Sainte-Marine, Vierge, que nous allâmes visiter sous la conduite d'un religieux. Elle est, ainsi que les autres, creusée dans le roc. On y arrive par un chemin assez commode. Sur le devant règne une espèce de terrasse fermée par une haie et de laquelle on voit le fond du vallon. Autrefois, on y disait la messe chaque jour, et le religieux nous montra un petit tambour en maçonnerie qui servait à renfermer les basses sacrées. La légende suivante nous fut ensuite racontée par notre cicérone sur les lieux mêmes, et je la rapporte à peu près dans sa primitive simplicité. Sainte-Marine, native de Calmont, village du Liban, fut conduite par ses parents, étant encore fort jeune, en pèlerinage au monastère de Canoubine, où elle fut si touchée de la vie austère et des vertus des religieux de ce temps, qu'elle pria avec instance qu'on la laisse vivre dans ce saint lieu. Ce dessein eut beau paraître extraordinaire, il fallut lui permettre de se déguiser et d'aller demander l'habit religieux. L'abbé le lui donna, la commit aux soins des troupeaux et ensuite à la culture des terres du couvent. Sans elle fut alors mis à une grande épreuve. Une fille de mauvaise vie étant accouchée d'un garçon, le vint porter au monastère, accusant le frère marin d'en être le père. La sainte, loin de se justifier, se tint dans un humble silence qui fut pris pour un aveu de son crime prétendu. L'abbé furieux la chassa d'abord de la maison et, entre autres peines, la chargea de la nourriture et de l'éducation de cet enfant. Ce fut dans cette grotte qu'elle le porta et qu'elle fit le reste de sa vie une pénitence extraordinaire pour le péché de son prochain. On ne connut son innocence qu'après sa mort, ce qui causa à tout le monde une grande admiration pour les mérites de la sainte femme. En retournant au monastère, on nous fit remarquer une fontaine d'eau glacée qui, dit-on, a la propriété de donner la fièvre à ceux qui y trempent les mains. Nous ne jugeâmes pas à propos d'en faire l'essai.